qu'on fait un peu la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Je vais juste revenir sur la semaine passée. On a pris l'habitude à chaque semaine de faire le top 5 de l'actualité selon le dénombrement de Influence Communication, une firme qui calcule le poids média de chaque bulletin d'actualité, que ce soit dans les journaux, à la télé, à la radio, au Québec. Donc, dans le top 5 hebdomadaire au Québec, le match des étoiles de la LNH a recueilli quand même 1,04% du poids média, ce qui est très peu pour un sport, donc en cinquième position. Le film Incendie, en nomination aux Oscars, a reçu pour 1,13% de poids. Troisième position, la controverse sur les gaz de schiste et la nomination de Lucien Bouchard comme porte-parole des gaz de schiste, donc a retenu l'attention média de 2,33%. En deuxième place, les troubles politiques en Égypte. On va en parler plus tard dans la revue de presse. 3,39% du poids média, ce qui est immense. Mais oui, c'est plus qu'une victoire du Canadien, ça. C'est là. Beaucoup plus. Une victoire du Canadien, c'est à peu près 1,50%. Là, c'est 3,39%. Et en première place, toujours les troubles politiques en Tunisie, mais plus particulièrement le beau-frère de Ben Ali qui se serait réfugié au Canada et que le Canada se retrouve avec une patate chaude parce qu'ils veulent pas trop l'expatrier, ils vont se fier à la bureaucratie. Donc, on verra ce que ça en est. Ça peut prendre plusieurs mois, voire des années avec ça se règle. Oui, et donc ça fait un peu le tour de qu'est-ce qui a retenu l'attention des médias. Et maintenant, ton attention, François, sur quoi elle se porte cette semaine? Cette semaine, c'est vraiment, il y a eu deux articles. Un paru dans Le Monde, sur le site internet du journal français lemonde.fr, qui parlait que le Paraguay reconnaît l'État palestinien officiellement. C'est le 28 janvier dernier que la Palestine a été reconnue comme État libre et indépendant à l'intérieur de ses frontières de 67 de par le Paraguay. Mais il faut savoir qu'il y a présentement une centaine d'États dans le monde qui reconnaissent la Palestine. Mais, et l'autre moitié qui ne reconnaît pas la Palestine, dont la fameuse communauté internationale, c'est-à-dire l'Occident. Ben même, je voyais dans l'article que c'est le 8e État depuis décembre dernier. C'est comme le 8e État qui reconnaît dans le cadre des frontières de 1967. Et d'autres, non, ils ont plus reconnu comme un État libre à l'intérieur d'un certain territoire. Mais quand même, il y a une vague de reconnaissance, en fait, envers l'État de Palestine. Il y a 12 pays en Amérique du Sud. Il y en a 8 sur 12 qui ont reconnu l'État palestinien. Seule la Colombie fait bande à part parce qu'Israël est un allié très proche de la Colombie. Ça me surprendrait beaucoup que la Colombie accepte de reconnaître un jour la Palestine. Et il y a un article toujours sur le même sujet qui a retenu mon attention, mais qui a passé très inaperçu dans le Devoir. C'était un tout petit article qui disait que Chypre, l'île de Chypre, reconnaît aussi la Palestine. Mais là, on s'entend pas trop. Est-ce que c'est Chypre officiellement qui reconnaît la Palestine ou un Palestinien qui dit avoir entendu un Chypriote reconnaître la Palestine? Là, il y a eu un petit incident diplomatique là-dessus, parce que si Chypre officiellement reconnaît la Palestine, ça pourrait faire un effet bombe en Europe, parce que Chypre fait partie de la communauté européenne. Donc, ça serait le premier pays européen à reconnaître officiellement la Palestine comme étant un État libre, indépendant, avec des frontières de 67. Donc, ça, c'est à surveiller. C'était mon petit clin d'œil là-dessus. Mais oui, moi, j'ai retenu quelque chose d'assez intéressant aussi. C'est le site Wikileaks, en fait, on sait le déboire là, qu'ils ont connu dans les derniers mois avec la censure que le gouvernement américain essaie de leur faire. Notamment, récemment, j'ai vu qu'ils ont été censurés dans la bibliothèque du Congrès américain. Ah oui. Donc, on ne peut plus accéder au site Wikileaks là, à l'intérieur de la connexion là, de la bibliothèque du Congrès américain. Et il y a le groupe Reporters sans frontières, qui sont un peu partout dans le monde et qui prônent la liberté de presse dans plusieurs pays, qui ont déclaré, et ça c'est cette semaine, ça a sorti, je te lis un extrait du communiqué. Donc, Reporters sans frontières dit « C'est la première fois que nous observons une tentative de censure à l'échelle internationale d'un site dont la vocation première est la transparence. Nous ne pouvons qu'être sidérés par le fait que des pays comme la France et les États-Unis alignent soudain leur politique en matière de liberté d'expression sur celle de la Chine. » Oh, des mots très durs, en fait, de Reporters sans frontières à l'égard du pouvoir américain. Ça, c'est intéressant, ça va être à suivre. C'est l'autre côté de la médaille. Souvent, les Américains se disent pour la liberté totale de l'individu, de la liberté de presse, mais en même temps, il y a une forme de censure ici, d'accès à Wikileaks. Donc, c'est paradoxal de voir ça, mais c'est quand même intéressant de voir que les Américains peuvent aussi mettre des mesures draconiennes pour filtrer ou du moins censurer l'information. Mais oui, et aussi, juste rapidement comme ça, une nouvelle qui m'a fait rire, en fait, ça a été mon coup de cœur hier. Les fameux F-35 que le gouvernement canadien planifie acheter pour un coût qui planifie de 9 milliards de dollars. En fait, ça, c'est sans compter les coûts d'entretien, etc., qui devraient faire monter pour une flotte de 65 appareils. Ils devraient faire monter ça à peu près 16 milliards là, d'achats. C'est le plus grand contrat, le plus gros en termes monétaires, contrat militaire que le Canada signe. Et présentement, ils veulent le faire, en fait, sans appel d'offres avec la firme Lockheed Martin. Et on apprenait hier que cet avion qu'on nous dit, dans le fond, on n'a pas besoin d'appel d'offres parce que c'est celui dont on a besoin, c'est celui que le Canada a besoin. Il faut protéger le Nord, il faut pouvoir s'armer, etc. Et ben, hier, on apprenait que les spécificités de l'appareil font qu'il ne peut pas atterrir dans le Grand Nord canadien. Il n'y a pas l'infrastructure nécessaire et il ne peut pas non plus être ravitaillé en vol comme les autres avions, comme le F-18, mettons, on peut le faire avec un avion citerne finalement. Ben, c'est quand même paradoxal parce que le F-35 avait d'abord été commandé pour la surveillance du Grand Nord canadien, donc contre l'envahisseur russe qui voulait se rapatrier des territoires de l'Arctique. Mais oui, mais et ça, c'est une saga, là. Je veux dire, de semaine en semaine, grâce à l'excellent travail, je dois dire, de Alec Castonguay du Devoir, on peut suivre un peu les déboires là, du gouvernement conservateur qui s'empêtre avec ce dossier-là, qui d'abord a fait scandale parce qu'il n'y avait pas d'appel d'offres. Deuxièmement, parce que dans le contrat qu'on veut signer, il n'y a pas de garantie de retombée économique pour le Canada, comme on fait signer dans d'autres cas, en fait, de contrats d'armement militaire. Et en plus, le prix pourrait gonfler parce que plusieurs pays ont revu à la baisse le nombre d'appareils qu'ils voulaient acheter. Alors, comme il y en a moins de production, ça se peut aussi que le prix monte. Alors, de semaine en semaine, on suit ce dossier-là et c'est quasiment rendu un running gag, en fait, ou même une espèce de punaise dans la botte du Parti conservateur, là, parce que ça va pas du tout, le F-35. Pas toujours dans l'actualité et toujours dans la saga militaire. En Égypte, tu as vu certainement que l'armée s'était un peu mis en position de défendresse de la liberté en Égypte. Donc, elle s'est dit, on ne tirera pas dans la foule, on va défendre les revendications du peuple parce qu'ils sont légitimes, ces revendications-là. Et il y a eu, une lettre d'opinion parue dans Le Devoir le 1er février, donc hier, en fait, de Behraim Saidi, qui est un spécialiste des HEC sur... des hautes études internationales des HEI de l'Université Laval, qui lui parle du rôle militaire, du rôle de l'armée en Égypte. Très intéressant, ce qu'on ne sait peut-être pas ici au Québec. Mais je cite, « L'armée en Égypte est historiquement la garante ultime du pouvoir politique depuis le coup d'État en 52, mené par le mouvement des officiers libres. Celui-ci a consacré l'interventionnisme de l'armée dans la sphère politique pour former... avec la présidence et les services de renseignement, l'unité centrale décisionnelle du régime égyptien. Tous les présidents de l'Égypte depuis l'indépendance de l'Égypte des années 50 sont issus du corps d'officiers de l'armée égyptienne. Donc, le pouvoir et l'armée ne faisaient qu'un jusqu'à cette semaine. Parce que l'armée s'est dit, on a trop à perdre présentement avec ce qui se passe. Parce que là, le gouvernement civil, on doit le rappeler, c'est quand même une démocratie entre guillemets civile, qui est en Égypte, s'est dit nos forces policières sont débordées, on va avoir recours à l'armée comme dans toute révolte de pays. On fait appel à l'armée parce qu'ils ont les moyens, les hommes pour ça, les bras. Mais là, l'armée s'est dit, on veut pas se retrouver le tampon, protéger un gouvernement de plus en plus instable, contesté, et une foule de plus en plus nombreuse. On veut pas être... la baïonnette du pouvoir. Donc, on va se mettre neutre. On va vraiment juste assurer la sécurité minimale afin que tout se passe bien malgré la révolte. Et c'est pour ça que l'armée s'est un peu distancée du gouvernement de Moubarak. Et là, on apprenait hier que le président Moubarak a annoncé qu'il ne se représenterait plus aux élections de septembre, mais qu'il désire quand même demeurer au pays. Contrairement à Ben Ali en Tunisie, qui lui a quitté la Tunisie, s'est réfugié en Arabie chez un bon ami à lui, un bon vieux pote. Donc, on verra le rôle de l'armée de plus en plus grandissante en Égypte. Peut-être qu'il y aura un coup d'État sans le sang, afin que l'armée rétablisse son pouvoir sur le gouvernement qui s'était civilisé depuis quelque temps. C'est un sujet très chaud, très d'actualité. Manifestation monstre en Égypte hier dans les rues du Caire. Donc, à suivre, certainement la semaine prochaine, on va continuer avec ce sujet, ma foi, qui attire l'attention de tout le monde. Bien oui, mais ça fait le tour de la revue de presse internationale. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. Donc, on se revoit toutes les semaines pour faire ça. Je vous rappelle que cette émission est une présentation du Comité de solidarité Trois-Rivières qui œuvre en Mauricie au niveau de la coopération internationale et de l'éducation populaire depuis 1973 et qui lutte pour un monde meilleur, plus juste, plus équitable, affranchi des dominations économiques, politiques, militaires un peu partout dans le monde. Et c'est grâce à cet organisme, en fait, le Comité de solidarité Trois-Rivières, qu'on peut présenter chaque semaine, 7 heures internationales sur les ondes de C'est fou et en version balado-diffusion sur heureinternationale.wordpress.com. On s'en va écouter une petite pièce de musique et au retour, on reçoit Mouloud Idir qui va pouvoir nous parler vraiment du contexte géopolitique. Qu'est-ce qui se passe dans le Maghreb, les révoltes populaires, quelle influence ça va avoir pour nous au Canada, etc. Donc, je vais lui poser toute une série de questions et j'ai très hâte d'entendre ses réponses. Alors, dans quelques instants, on reçoit Mouloud Idir. Pour l'instant, on va y aller en musique égyptienne. J'ai découvert ça cette semaine, François, mais la musique égyptienne, je ne connaissais pas ça. C'est une culture totalement différente de la nôtre. C'est certain qu'on n'a pas accès facilement à ça. Tout à fait. Et selon le temps qu'on a durant l'émission, je vais faire jouer plus ou moins de pièces musicales, mais vous allez voir là, des styles très différents. Alors, on essaie une première. C'est l'artiste